Et commençons par l'actualité fiscale. IR, application du quotient. Le dispositif du quotient s'applique aux revenus exceptionnels ainsi qu'aux revenus différés soumis au barème progressif. Il vise à limiter la progressivité du barème de l'impôt en présence de revenus qui n'ont pas vocation à se renouveler ou dont la perception qui aurait dû être étalée sur plusieurs années a été différée sur une seule année par suite de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable. Le Conseil d'État vient d'apporter à ce sujet certaines précisions qui remettent en cause les modalités d'application du quotient retenues par l'administration. D'une part, selon la Haute Assemblée, pour l'application du dispositif du quotient, le déficit net global ordinaire ne doit pas être pris en compte dans l'assiette du revenu exceptionnel. Et d'autre part, le revenu exceptionnel soumis au quotient est un revenu catégoriel pour l'appréciation du déficit reportable. Et ce déficit n'est reportable que s'il subsiste après imputation du revenu exceptionnel. Oui, et à la suite de ces précisions, il nous semble que l'administration devrait être amenée à revoir en profondeur sa doctrine relative au calcul du revenu imposable en cas d'application du mécanisme du quotient, afin de tenir compte de ce que préconise le Conseil d'État, c'est-à-dire l'isolement du revenu exceptionnel au sein de la base imposable.